qu'elle m'offre avant de foutre le camp dans la foule descendant. Disons qu'on a cendré sur l'idée de voir décemment danser nos descendants. Et il me reste son dessin en relief, l'autoportrait imparfait qu'elle ne veut pas refaire. Elle laisse l'erreur derrière. Et la porte claque, au loin ses talons frappent le sol. Ma joue est marquée rouge, fendue d'un sillon de sel. La peinture craque, elle, est-ce qu'elle doute, est-ce qu'elle stoppe? Est-ce qu'elle fera marche arrière? Ou est-ce qu'on sera trop fier, quitte à s'atrophier encore? Est-ce que nos corps se reverront? Est-ce que nous rêverons à raviver nos rires révolus? Comme c'est curieux, sous mes yeux, la peinture évolue. Déjà quelques morceaux s'en vont et je regarde sans voix ce visage si vital viré au mirage. Sa prunelle si vivace déverse du cirage. Derrière elle, la tapisserie semble tourner à l'orage. Les bordures du dessin déjà lentement s'émiettent et la tête se tourne sans telle que je l'inspecte. Le spectacle spectral prend un aspect obscène quand se dessinent dans sa tignasse les scènes de ménage accumulées dans ses méninges. Et le visage me tourne le dos. Ses cheveux sont soudain des rideaux rouges qui s'ouvrent. Je sens la fièvre, je vois les contours qui diminuent encore. Et lentement l'aquarelle se réduit à cette querelle qui délia nos corps. Puis le dessin dans mes mains s'évapore. L'anamorphose, c'est la dernière chose qu'elle m'offre avant de foutre le camp dans la foule descendant. Disons qu'on a cendré sur l'idée de voir décemment danser nos descendants.